insulté combien de fois? Garçon occupé, mais j'ai le temps. Sur ma vie, pourquoi? Sur ma vie, pourtant. Et si tu pouvais avoir que moi, oh, tu veux leur montrer qui fait la loi? Sur ma vie, pourquoi? Sur ma vie, pourtant. Souvent c'est comme ça. Ils veulent s'en prendre à ma vie. Souvent c'est comme ça. Ils attendent de ma mort. Souvent c'est comme ça. Ils veulent pas me voir réussir. Souvent c'est comme ça. Ils m'ont souhaité la mort. Souvent c'est comme ça. Tous ceux qui m'ont ralenti. Souvent c'est comme ça. Je ne vous ai pas oublié. Souvent c'est comme ça. Oh, souvent c'est comme souvent ça. Souvent c'est comme ça. Ils racontent de la merde, n'écoute pas. Si aimé est un délit, je suis coupable. Et t'es comme hiver bébé, je suis sous le porche. Vas-y, rentre à la maison, me saoule pas. En attendant, j'avance, moi, je vous pardonne. Mes sentiments oubliés, moi, j'ai changé la donne. Souvent c'est comme ça. Ils veulent s'en prendre à ma vie. Souvent c'est comme ça. Ils attendent ma mort. Souvent c'est comme ça. Veulent pas me voir réussir. Souvent c'est comme ça. Ils m'ont souhaité la mort. Souvent c'est comme ça. Tous ceux qui m'ont ralenti. Souvent c'est comme ça. Je ne vous ai pas oublié. Souvent c'est comme ça. Oh, souvent c'est comme souvent ça. Souvent c'est comme ça. Tout ce qu'on s'est pas dit, bébé je t'aime, nanani nanana, souvent c'est comme ça. Faut qu'on s'évade, ma belle chétane, nanani nanana, souvent c'est comme ça. Tout ce qu'on s'est pas dit, bébé je t'aime, nanani nanana, souvent c'est comme ça. Faut qu'on s'évade, ma belle chétane, nanani nanana, souvent c'est comme ça. Souvent c'est comme ça. Ils veulent s'en prendre à ma vie. Souvent c'est comme ça. Ils attendent ma mort. Souvent c'est comme ça. Veulent pas me voir réussir. Souvent c'est comme ça. Ils m'ont souhaité la mort. Souvent c'est comme ça. Tous ceux qui m'ont ralenti. Souvent c'est comme ça. Je ne vous ai pas oublié. Souvent c'est comme ça. Oh, souvent c'est comme souvent ça. Souvent c'est comme ça. Bébé, bébé, je vais pas t'oublier. Bébé, bébé, je vais pas t'oublier. Bébé, bébé, je peux pas t'oublier. Bébé, bébé, je peux pas t'oublier. Souvent c'est comme ça. Souvent c'est comme ça. Souvent c'est comme ça. Souvent c'est comme ça. Souvent c'est comme ça. Souvent c'est comme ça. Souvent c'est comme ça. Souvent c'est comme ça.